Alors, bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui, une émission assez variée du point de vue géographique et aussi dans les styles. On aura Proud Peasant des États-Unis, nous aurons Eloy d'Allemagne, Moonwagon de Finlande, Orchestre Celesti d'Italie, La Bocca della Verità d'Italie, IQ d'Angleterre, Thrillos de Pologne, Ingranaggi della Valle d'Italie, Thank You Scientist des États-Unis, Violetta di Otono du Brésil et fait rare à l'émission, un groupe de Chine, Zaoz. Alors on débute ça avec Proud Peasant, qui est une formation de 6 musiciens qui proviennent de Austin, Texas. Ils ont un album paru en 2014 et un mini-album qui est sorti à la fin de l'automne qui s'intitule Cosmic Sound, et on pourra entendre une mélodie que plusieurs reconnaîtront, à moins d'avoir mon âge, bien entendu, parce que c'est une pièce qui a été rendue célèbre dans les années 70 par un groupe dont le nom va être connu à la fin du bloc. Et ça sera suivi de Eloy. Eloy, qu'on a connu, en fait, Eloy, c'est une formation, immense du rock progressif avec leurs 18 albums studio. Ils œuvrent depuis 1971. Ils ont été très populaires grâce à, surtout à l'album Ocean qui est paru en 1977. Ils ont repris ça plus de 20 ans, en fait 20 ans plus tard avec Ocean 2, et on va entendre un extrait de cet album-là aussi. Et on va conclure le bloc avec une formation finlandaise du nom de Moonwagon et un extrait de l'album The Rule of Three qui est paru en 2015. Alors on débute ça avec Proud Peasant. Thank you. Thank you. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Moonwagon de Finlande avec la pièce de Journey Back Home. Ça, c'était un extrait de l'album The Rule of Three qui est paru en 2015. Ça a été précédé de Eloy d'Allemagne avec Roseto. Et ça, c'est extrait de Ocean 2 paru en 1998. 21 ans, en fait, après Ocean l'original. Et en début de bloc, nous avions Proud Peasant avec une reprise d'une pièce bien connue de Manfred Mann. Alors, c'était Saturn, Lord of the Ring, Mercury, The Winged Messenger. Ça, c'est tiré de l'album. En fait, c'est le Prog P45. En fait, Prog P45, c'est un CD compilation qui vient avec la revue britannique Prog. Alors, je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir un petit aperçu à chaque mois de ce que les groupes émergents nous proposent. Alors, on débute le deuxième bloc avec une formation italienne qui est connue sous le nom de Orchestre Celesti. C'est une formation qui est active depuis 2007. Ils viennent de faire paraître leur sixième album studio de Big Carrot, et on va entendre la pièce titre. Ça va être suivi d'un autre groupe italien, La Bocca della Verità. Ça, c'est un nouveau groupe qui a sorti un album assez fort, je vous dirais. C'est un des meilleurs albums de 2016. L'album s'intitule Avenoth. Alors, on va entendre, je pense, c'est le quatrième extrait qu'on fait jouer à l'émission. Et on va conclure le deuxième bloc avec la formation britannique IQ, qu'on verra en spectacle à Québec au début d'avril. Et on aura un extrait de leur plus récent album, The Road of Bones. Alors, on débute ça avec Orchestre Celesti. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, sur les ondes de C'est fou FM 89.1 Trois-Rivières, vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour encore une heure. Et un petit rappel sur le deuxième bloc, nous avions IQ juste avant la pause et c'était la pièce 10 Million Demons. Ça, c'est extrait de The Road of Bones qui est paru en 2014. Je rappelle que IQ sera à Québec au début d'avril. Vous avez juste à surveiller ça sur Internet. Je pense que c'est sold out, mais je pourrais me tromper. Alors, ça a été précédé de La Boca de la Verita avec la pièce La Rivolta et le Massacro dei Terrestri. Et ça, c'est extrait de Avenot, qui est paru en automne 2016, ça fait quelques mois, et on a débuté avec une nouveauté de la formation Orchestre Celesti et la pièce titre de l'album The Big Carrot. Alors maintenant, nous débutons le troisième bloc avec une formation polonaise du nom de Thrillos, qui ont paru un album fin de l'automne 2016. C'est un album qui a été retardé pendant 18 ans, ça a été enregistré en 1998, juste après la dissolution du groupe polonais Hens, et la plupart des musiciens ont migré vers Thrillos. Ils ont enregistré cet album-là, mais il n'est jamais paru. Alors, on va avoir un petit extrait. L'album s'intitule Kingdom of Dream. Ça va être suivi de la nouveauté de Ingranaggi della Valle, le deuxième album du groupe qui est paru aussi cet automne. Et on va y aller avec un extrait de l'album Warm Space Blue. Et on aura une nouveauté de la formation américaine Thank You Scientist, qui ont fait paraître leur deuxième album aussi à l'automne, Stranger Heads Prevail, et on va entendre la pièce, juste une petite seconde, Rube Goldberg Variations. Alors, on y va avec Thrillos. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on a entendu avant la pause Thank You Scientist, cette formation américaine, avec un extrait de l'album Stranger Heads Prevail. On a entendu Rube Goldberg Variations, et ça a été précédé de Incronadi della Valle. Ça, c'est un groupe italien avec leur nouveauté de 2016, Warm Space Blue, et on a entendu Call for Stutu. Et ça, on a débuté le bloc avec la formation polonaise Trilos et Source of Confusion, et c'est tiré de Kingdom of Dream. Alors on débute ça, le quatrième bloc et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui, avec Violetta di Utono et un extrait de l'album Spaces. C'est le septième album du groupe qui est paru cet automne, et on va conclure avec une formation chinoise, Zaoz, et un extrait de l'album Intoxicating Lust. Alors on débute ça avec Violetta di Utono. Thank you.

Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation chinoise Zaoze et la pièce titre de l'album Intoxicatingly Lost. Ça, c'est paru en 2015 et ça a été précédé de Violeta di Utono, une formation brésilienne, et la pièce Imagines est extraite de Spaces. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 147e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter l'émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mercredis de 11h à 13h. De plus, l'émission est accessible sur Internet via SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper « Rock de Neurones » dans la barre de recherche pour y accéder. Si vous désirez connaître la programmation et retracer l'orthographe exacte des artistes, des pièces et des albums qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de l'émission « Rock de Neurones ». Sur cette même page, vous aurez aussi un lien vous amenant à plus de 75 émissions archivées. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié la programmation d'aujourd'hui et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.